Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. En 1918, pas moins de 15 000 soldats sortent de la Grande Guerre défigurés. Médecin, pionnière de la chirurgie esthétique, Suzanne Noël répare les visages et apporte un peu de réconfort à ces gueules cassées dont nous parlent Leïla Slimani et Clément Oubrerie. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'écrivain Maurice Genevoix est entré au Panthéon le 11 novembre 2020, c'est-à-dire 100 ans après l'arrivée du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En 1916, Maurice Genevoix écrivait sous Verdun, récit et témoignage de la violence des combats au plus près de l'horreur. Genevoix se souvient au moment de l'assaut d'un de ses camarades. Il n'a plus de nez, à la place un trou qui saigne. Avec lui un autre, dont la mâchoire inférieure vient de sauter. Est-il possible qu'une seule balle ait fait cela? La moitié inférieure du visage n'est plus qu'un morceau de chair rouge, molle, pendante, d'où le sang, mêlé à la salive, coule en filets visqueux. Et ce visage a deux yeux bleus d'enfant qui arrêtent sur moi un lourd, un intolérable regard de détresse et de stupeur muette. Poignant, ce qu'écrit Maurice Genevoix. Ce regard, Suzanne Noël l'a également croisé. Elle est médecin pionnière de la chirurgie réparatrice, certains diront esthétique. Elle a vu cette souffrance, ces blessures qui font tourner le regard, mais pas le sien. Elle a réparé les gueules cassées. Et il faut des mots pour dire l'horreur et la violence. Il faut des dessins aussi. Il faut des mots pour dire la volonté réparatrice et des dessins aussi. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous sommes intéressés aux élites face à la crise. 4 émissions à écouter et podcaster pour la balado-diffusion, donc en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, et puis des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, réparer les soldats, une femme médecin auprès des gueules cassées. Et pour nous en parler, Leïla Slimani, bonjour. Bonjour. Leïla Slimani, vous avez écrit des romans, chansons douces, publiées chez Gallimard, prix Goncourt. Oh ben bravo, dites donc. Et récemment, Le Pays des Autres, Gallimard également. Et là, aux arènes, vous publiez un ouvrage intitulé À main nue. Le titre est d'une douceur sublime. Cet À main nue ne dit pas grand-chose. Le dessin qui l'accompagne est beaucoup plus dur. C'est une femme avec un scalpel qui s'attache à réparer un visage. Leïla Slimani, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à une femme pionnière de la chirurgie réparatrice? Eh bien, plus ou moins le hasard, puisque j'ai découvert le parcours de Suzanne Noël en lisant un livre sur la chirurgie esthétique, et j'ai tout de suite été frappée, à la fois par l'aspect très romanesque de son destin, de son existence, même sur le plan intime, puisque même dans ses mariages, dans son rapport à sa mère ou à sa fille, il y avait des choses extrêmement intéressantes. Mais surtout, ce qui m'a frappée, c'est que cette femme a été une pionnière, une femme très très inventive sur le plan des techniques de la chirurgie esthétique. Elle a été la première chirurgienne esthétique française et sans doute même la première du monde. Elle a voyagé absolument partout. Elle a enseigné ses différentes techniques des États-Unis à la Chine en passant par le Japon. Et j'ai voulu rendre à cette femme, à la fois lui rendre hommage et puis lui rendre d'une certaine façon la postérité dont elle n'a pas pu bénéficier puisqu'elle a été un peu oubliée. Oui, elle a été un peu oubliée, effectivement, et vous décidez, Leïla Slimani, de la mettre à l'honneur dans une bande dessinée. Donc il y a des dessins, mais les dessins là sont sublimes, vraiment. Hein. Clément Oubrerie, bonjour. Bonjour. Mais quel beau travail. Vous êtes dessinateur, scénariste, réalisateur, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'albums. C'est toute la série Pablo que nous connaissons sur Picasso, et puis Voltaire amoureux également. Et là, avec Leïla Slimani, vous travaillez main dans la main pour ce À main nue. Et il y a tout un aspect qui est intéressant parce que je disais, et puis Leïla Slimani m'a conforté en ce sens, nous sommes sur une femme pionnière de la chirurgie réparatrice. Mais en regardant ses destins, en fait, ça va beaucoup plus loin. Nous sommes au tout début du XXe siècle, vous avez pu explorer un monde magnifique, celui de la Belle Époque. Ce n'est pas simplement des dessins de chirurgie. Non, heureusement d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont difficiles à regarder pour le commun des mortels. Et effectivement, c'est une période passionnante. En particulier, j'avais envie de dessiner la Première Guerre mondiale. C'est un sujet que je n'avais pas encore abordé. Si j'avais fait le pari du début du siècle dans Pablo, on n'avait pas été jusque-là. Et il y a quand même eu des antécédents assez sublimes, en particulier ceux de Tardy. Et ça faisait partie des raisons qui m'ont vraiment motivé pour dessiner ce livre. Et puis Leïla Slimani le disait, c'est un destin aussi, celui de Suzanne Noël. Leïla Slimani, si vous deviez nous présenter Suzanne Noël. Alors Suzanne Noël, c'est son nom d'épouse, c'est toute une histoire parce que vous commencez vraiment quand elle est enfant, quand elle est jeune fille. Oui, alors Suzanne Gros, qui deviendra Suzanne Noël, et qui a été même Suzanne Perta, puisque son premier mari s'appelait Perta, elle naît à la fin du 19e siècle, dans le nord de la France, dans une famille de la petite bourgeoisie. Elle est élevée par sa mère, puisque son père meurt quand elle est très jeune, et elle reçoit une éducation plutôt libérale. Mais elle va quand même avoir, au départ en tout cas, faire des choix assez conformistes, puisqu'elle se marie très jeune, une vingtaine d'années, à un médecin parisien qui connaît un beau succès dans sa pratique médicale. Elle habite dans un bel appartement à Paris. Elle passe ses après-midi à jouer au bridge ou à faire de la peinture avec ses amies femmes. Et en fait, Suzanne s'ennuie. Elle s'ennuie terriblement et elle va décider, avec le soutien de sa mère comme de son mari Henri, de reprendre les études. Et là, elle passe son baccalauréat, puis elle décide de faire médecine, tout comme son époux, avec l'idée au départ de travailler auprès de lui dans son cabinet. Et finalement, au cours de ses études, va naître cette vocation pour la chirurgie et l'admiration aussi qu'elle va avoir pour un certain nombre de médecins qu'elle va croiser, et en particulier son mentor Hippolyte Morestin, qu'elle croise un petit peu avant la Première Guerre mondiale, qui est un homme qui développe des techniques extraordinaires, notamment autour des cicatrices et des sutures. Et au moment où la guerre éclate, ils sont ensemble au Val-de-Grâce, on mobilise tous les médecins, toutes les bonnes volontés, même ceux qui, comme Suzanne, n'ont pas encore passé leur diplôme, et là elle va se retrouver à travailler sur les gueules cassées et donc à participer à un bond technologique et scientifique qu'on évalue à peu près à un bond de 60 ans en termes de progrès, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la guerre, il aurait fallu 60 ans pour arriver à de tels progrès sur le plan des greffes et sur le plan de la réparation des visages. Donc voilà le début de la vie de Suzanne Noël. Voilà, et avec plusieurs angles par lesquels nous pouvons aborder ce destin, c'est celui d'une femme dans la société, dans la belle bourgeoisie, celui aussi d'une femme qui veut faire des études au début du XXe siècle, et puis une femme qui réussit ses études et qui prouve à ce monde masculin qu'elle est capable de faire progresser la science médicale. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de Suzanne. Suzanne Noël, c'est dans une fiction diffusée par France Inter au fil de l'histoire, c'était en 2011. Voulez-vous que je vous aide à tenir ce scalpel, mademoiselle ? Madame, je ne mets pas mon alliance pendant les cours, elle me gêne. Et je vous remercie, mais je m'en sors très bien toute seule. Oui, oui, je vois. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. L'éducation donnée aux jeunes filles de bonne famille est certainement un atout en chirurgie. Car elle apprend à celles-ci, dès leur plus jeune âge, à manier les ciseaux et l'aiguille. Si ce lapin était vivant, grâce à vous, il pourrait à nouveau grignoter toutes les carottes qu'il voudrait. Et je lui ai même arrangé son menton prognate. Bien qu'en regard de ce que le professeur Morestin est capable de faire en matière d'esthétique, je me trouve bien maladroite. L'invention de cette canule, reliée à une pompe électrique pour aspirer sang et salive pendant les opérations de la mâchoire, est tout simplement fabuleuse. Mais certes, c'est très astucieux. Mais moi, je l'admire surtout pour sa dextérité. Ses gestes sont d'une justesse, d'une précision, il n'hésite jamais. Ce qu'il a accompli sur cette petite fille dont la joue était affreusement brûlée est remarquable. La cicatrice à présent se voit à peine. Mm-hmm. Utiliser de la peau de l'intérieur de sa cuisse pour combler la blessure était très ingénieux. Le résultat tient du miracle. Nous avons beaucoup de chance d'être ces externes. Je ne crois pas à la chance. Je crois au travail acharné. Oui, oui, bien sûr, moi aussi. Je me présente André Noël. Suzanne Perta. Perta comme Henri Perta, le médecin de la place Perret ? Lui-même. Suzanne, qui rencontre André dans une fiction radiophonique, Leïla Slimani, il y a aussi cet aspect qui est très intéressant sur les choix de vie de Suzanne. Nous entendons cette rencontre, elle est mariée avec Henri Perta, un grand médecin sommes là dans cette belle bourgeoisie médicale presque proustienne du début du XXe siècle. Et puis, elle fait un choix aussi qui est très net, c'est le choix de l'amour. C'est intéressant aussi de montrer comment cette Suzanne a une volonté de s'affirmer, d'affirmer en tout cas sa personnalité. Oui, tout à fait. Elle fait le choix de l'amour et puis elle fait le choix surtout, je crois, de ne pas se sacrifier. C'est-à-dire, elle n'a pas, voilà, ce tempérament sacrificiel de se dire il faut que je renonce soit à mon amour, soit à mon travail, soit à mes passions. Elle ne renonce jamais lorsqu'elle est passionnée par quelque chose, lorsqu'elle sent que c'est vers là qu'elle doit aller. Elle y va. Alors, elle n'est pas du tout la mère modèle de comme on pouvait les décrire à cette époque, puisque c'est une femme qui va avoir tendance à laisser sa fille plutôt à son mari ou à des nourrices, parce qu'elle, elle passe ses nuits à l'hôpital et puis à faire des recherches même lorsqu'elle est chez elle. Et effectivement, elle va avoir une espèce de double vie. Son mari est au courant, sans que ce soit dit forcément, mais est au courant de sa relation avec André. Donc voilà, c'était une sorte de, oui, presque un couple à trois. Et puis chacun acceptait finalement le choix de Suzanne. Mais c'est souvent le fait des, voilà, des gens qui ont un charisme assez extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à imposer des choix de vie qui peuvent paraître étonnants. Et puis, ce choix de vie étonnant permet à Suzanne d'évoluer entre deux mondes, l'appartement bourgeois de son mari médecin et puis la soupente. Alors là, nous sommes un peu dans la bohème ou une bohème fantasmée avec son collègue interne étudiant. Et dites-nous, Clément Houbrory, cela vous permet de tracer un panorama en fait de ce Paris du début du siècle avec une gigantesque documentation. Nous le sentons bien hein, dans cette bande dessinée à main nue. Oui, c'est ce que j'aime, c'est plonger dans une époque. Donc effectivement, on a mobilisé beaucoup de documentation, beaucoup de photos. Ce que la bande dessinée peut apporter par rapport à ça, en particulier sur cette époque, si vous regardez les photos, les passants sont toujours immobiles, ils prennent la pose pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'image imprime sur la pellicule. Et ce que j'aime faire, c'est donner vie en fait à ces photos, faire bouger les personnages dans tous ces décors absolument bouleversants du Paris du début du siècle. Et vous le faites sublimement, donc c'est très beau. Nous sommes dans un Paris qui est en vie. Et c'est vrai qu'il y a ce plus du dessin par rapport à la photo. Et puis nous rencontrons des personnages. Tenez, notamment Sarah Bernard, parce que Sarah Bernard fait appel à Suzanne pour un peu d'esthétique. Alors, sommes-nous dans le réalisme ici? Dites donc, Clément Houbrory, je vous entends rire. Oui, c'est extrêmement réaliste. Ah, vous nous avez fait une Sarah Bernard, elle est gratinée, hein. Ben, je me suis là aussi j'ai cherché des témoignages visuels de son aspect à l'époque, donc j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible avec, bon, il y a toujours une petite part d'interprétation et de fiction, mais elle est fripée. Elle est un petit peu fripée, mais il faut dire qu'elle est plus toute jeune non plus. Et en plus, elle a subi quelques avaries, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a eu pas encore une jambe en moins, mais ça viendra bientôt. Enfin, elle a des petits problèmes de dermatologiques, dirons-nous. Et effectivement, c'était une scène très amusante à faire et d'imaginer aussi son appartement, parce que c'est évidemment une grande star à l'époque. Et j'ai aussi un petit peu exagéré le résultat, dans le sens où vraiment, à la fin, on a l'impression qu'elle a 20 ans. Alors là, on part un petit peu dans la fiction, tout de même, il faut le dire. Oui, c'est une fiction qui est sublime. Moi, je vous propose un autre témoignage. Tenez, sur le physique de Sarah Bernard, c'est un témoignage qui nous vient de Madame Simone, c'est ainsi que on l'appelait, c'est Pauline Manda. Pauline Manda qui était comédienne, qui a très bien connu Sarah Bernard et qui livrait son témoignage sur la divine. C'était en 1949. Il faut vous dire qu'à l'époque, elle régnait sur le théâtre comme une impératrice. Elle était une personne qu'il est difficile de décrire, tant son aspect et ses vertus professionnelles sont exceptionnelles. Elle n'était pas du tout une beauté, vous avez dû voir peut-être des portraits d'elle, mais elle était un être d'une singularité exceptionnelle. Elle avait un visage qui était un visage assez oriental, des yeux obliques, non pas du tout comme on peut l'imaginer quand on dit des yeux magnifiques, de grands yeux bordés de cils de star, au contraire, un œil assez peu fendu, un œil bleu, tacheté d'or, qui rappelait l'éclat de certaines profondes pierres précieuses. Elle avait le nez fort, une grande bouche, de magnifiques dents, une toison, non pas des cheveux, mais une toison bouclée, absolument magnifique, qu'elle avait fait couper d'ailleurs pour l'Aiglon. Je crois qu'elle est bien la première femme qui a coupé ses cheveux. Elle était de taille moyenne, de la petite moyenne. Elle avait un comportement d'une grâce et d'une affabilité qu'explique seule une indifférence quasi monstrueuse et l'envie de séduire. En effet, elle était possédée de l'un et l'autre besoin. Voilà, Madame Simone qui livre un témoignage sur Sarah Bernhardt. On sent une petite pique un petit peu sur la fin. Leïla Slimani, c'est incroyable cette histoire. Quand Suzanne, donc, qui est toute jeune, qui met en place toutes ses réflexions sur la chirurgie esthétique, elle s'adresse à Sarah Bernhardt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien d'abord, ce que j'adore effectivement chez Suzanne Noël, c'est que c'est une femme qui ose. Donc elle est en train à cette époque de commencer à réfléchir sur des techniques de rajeunissement, sur la façon de cacher des cicatrices derrière les oreilles ou sous les cheveux. Et à ce moment-là, elle va lire dans un journal que Sarah Bernhardt, qui revient des États-Unis, aurait subi aux États-Unis une opération d'un médecin qui s'appelait Charles Conrad Miller, qui était un médecin tout à fait sulfureux aux États-Unis, dont on savait qu'il avait des techniques extraordinaires de rajeunissement, mais qui était aussi accusé de vendre des médicaments et des potions pas tout à fait recommandables. Et donc, elle aurait été opérée par cet homme et Suzanne décide immédiatement d'envoyer un télégramme à la tragédienne. Et effectivement, il faut s'imaginer, Sarah Bernhardt, c'est la plus grande star de cette époque. C'est quelqu'un qui est inaccessible, vraiment voilà, une star adulée. Et Sarah Bernhardt va lui répondre. Suzanne Noël va lui proposer d'améliorer les résultats de ce lifting qui n'a été fait en fait qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il n'y a que le haut du visage qui a été amélioré, tandis que le cou et le contour du visage est encore affaissé. Donc Suzanne, toute jeune et voilà, toute téméraire, va se lancer avec cette grande actrice qui est Sarah Bernhardt. Et le résultat, comme nous l'a dit Clément Aubry, est saisissant. Et très satisfaisant. Voilà. Voilà. Non, mais c'est quelque chose qui est intéressant avec ce destin qui, aujourd'hui, est celui que nous suivons dans le cours de l'histoire. Suzanne Noël, chirurgie réparatrice, a tout ce parcours médical dans ce monde d'avant-guerre. Nous sentons, dans l'ouvrage À main nue, que la guerre est très loin de toutes ses préoccupations et que la chirurgie esthétique est surtout là pour améliorer le physique. Il y a deux aspects ici que j'ai bien aimé dans l'ouvrage. C'est une lecture qui est celle, on va dire, de médecins qui disent mais ça ne sert à rien, c'est même une faute professionnelle de faire de la médecine pour améliorer le physique. Et puis il y a la démarche de Suzanne Noël. Leïla Slimani, elle a une vision presque une volonté d'émanciper les femmes. Exactement. Moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est que à la fois sa démarche sur le plan médical, comme vous dites, est absolument passionnante, puisque elle va épouser son époque, elle va suivre le parcours de son époque, qui est quoi, la libération du corps de la femme, l'industrie de la beauté aussi. On commence, la beauté devient un produit qu'on commence à vendre. Donc, on commence à vendre des cosmétiques, les premiers instituts de beauté ouvrent dans Paris, les femmes commencent à mincir parce qu'on porte des vêtements plus près du corps, on a abandonné donner le corset. Donc à la fois il y a une libération de la femme et en même temps le début d'une aliénation qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui est celle de l'injonction à être belle, de l'injonction à consommer, etc. Et ça, Suzanne va le suivre, va l'épouser et va d'une certaine façon même le nourrir. Mais ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle comprend très rapidement que la beauté finalement est un capital pour la femme. Et que dans un monde dans lequel les femmes font des métiers où leur apparence a une grande importance, la femme qui perd son pouvoir de séduction, qui perd ce capital, est une femme qui risque aussi plus rapidement de se retrouver précarisée, rejetée et d'avoir moins de pouvoir. Et donc elle a une vision à la fois sociale et économique de la beauté physique et puis plus globalement du bien-être. C'est une idée extrêmement moderne. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel psychologue ou médecin, il vous dira bien sûr qu'il y a une incidence entre la façon dont vous vous sentez bien ou pas bien dans votre corps et votre position sociale, votre position économique. Donc j'aime beaucoup cette modernité et puis ce féminisme très libéral, très pragmatique de Suzanne Noël que je trouve très intéressant. Oui, parce que nous sommes à la belle époque que l'on pourrait qualifier de révolte des poupées. La révolte des poupées, c'est le titre d'un documentaire de Guylaine Aguidez qui a été diffusé sur la 3e chaîne de la télévision française, c'était en 1996, et qui évoquait ce mouvement féministe au début du XXe siècle. Tout a commencé un peu avant 1900 avec le combat pour le droit de vote des femmes. En France, comme dans le reste de l'Europe, ce combat a connu son apogée avant la Première Guerre. En fait, le suffragisme aura mobilisé plusieurs générations de nos ancêtres. Le vote des femmes était redouté, aussi bien par les hommes de droite, ennemis du changement, que par les hommes de gauche qui craignaient l'emprise de l'Église. Les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie pour ridiculiser l'activisme des suffragettes. Le trait paillard de leurs plumes montre bien qu'il s'agissait de les renvoyer aux frivolités de leur sexe. Les femmes ont tenu bon devant la raillerie. La France a connu des bousculades, mais en Angleterre, il vit des femmes molestées, emprisonnées, qui firent la grève de la faim et furent nourries de force. Il y eut une martyre, Emily Davidson, qui se jeta sous les sabots d'un cheval du roi au derby d'Epsom en 1913. La dirigeante du mouvement suffragiste, Emmeline Pankhurst, sera statuée. On doit à cette ardente militante quelques-unes des plus grandes manifestations, jusqu'à 500 000 suffragettes dans les rues de Londres. Un extrait du documentaire La révolte des poupées, justement, sur les différents aspects que peut prendre la lutte féministe. Clément Aubry, dans cette bande dessinée, à main nue, il y a énormément de personnages. Et c'est intéressant parce que ces personnages sont porteurs chacun d'une vision différente. Et vous avez pu, à travers le personnage de Suzanne, bien sûr, celui de sa mère, celui de la domestique, de la bonne, montrer les différents regards que les femmes elles-mêmes pouvaient avoir sur la condition féminine. Oui, en effet, c'est très riche en personnages. La mère, on sent quand même sa volonté, même si elle n'a pas elle-même eu beaucoup d'éducation, sa volonté d'émancipation pour sa fille. Et aussi, ce qui est touchant chez elle, c'est le soutien qu'elle lui apporte en toutes circonstances. C'est vraiment quelqu'un qui est très très proche d'elle et qui est présent à les étapes difficiles de sa vie. Voilà. Après, bon, il y a effectivement la bonne qui a un rapport, qui elle est du côté de son mari Henri Perta. Mais ce qui est aussi intéressant et ce qui m'a vraiment passionné pour la réalisation du livre, c'est de penser au regard même de Suzanne. C'est-à-dire que Suzanne avait un regard qui avait suffisamment de respect quand elle était face à quelqu'un qui, comme les gueules cassées, qui avait des lésions absolument spectaculaires. Elle avait suffisamment de recul pour ne pas s'apitoyer sur eux. Et d'une certaine manière, elle avait une vision qu'on a imaginée presque abstraite pour être plus efficace et pour soigner. Et donc on a essayé de mettre en parallèle le corps vu par la peinture, donc avec la naissance de l'art moderne, avec la naissance du cubisme, et le corps vu par la chirurgie, puisque l'anatomie et la peinture ont toujours été liées, hein, de même depuis Léonard de Vinci qui disséquait des cadavres pour pouvoir examiner l'intérieur du corps. On peut vraiment faire un parallèle entre la peinture, le dessin, la pratique très précise du dessin et l'acte chirurgical. Clément Aubry, je suis très content que vous souligniez cet aspect de regard, ce regard des femmes sur leur situation, Suzanne, la bonne, la mère, et le regard de Suzanne sur les autres personnes, souvent des femmes, qu'elle opère. Parce que vous le dites, et c'est magnifique à voir, nous n'avons pas ici, et le dessin aurait été faisable, mais dur, quelque chose d'anatomique. Vous avez fait le choix d'inventer, d'imaginer le regard de Suzanne qui voit à travers un visage un peu comme sur les peintures d'Archimboldo où le visage est composé de fruits et de légumes, c'est de la géométrie, ou alors de la glaise comme un sculpteur qui construit. L'idée est géniale, ça marche très bien et puis ça évite en fait d'avoir quelque chose de trop dur à regarder. Oui, et puis ça fait aussi un parallèle un petit peu audacieux entre les débuts du cubisme où on représente le visage sous plusieurs angles à la fois. Et les gueules cassées, qui donc avaient un visage totalement déstructuré aussi. Et effectivement, ça a été un support, puisqu'on ne voulait pas représenter vraiment la réalité telle qu'elle était. D'abord parce que c'est facile de dessiner des choses très très dures. Et ensuite parce que c'est sans doute pas comme ça que Suzanne les voyait. Donc c'était aussi l'idée de visiter un petit peu l'histoire de l'art, puisque par exemple il y a la tête de Fernande qui était l'amoureuse de Picasso et qui était une des premières sculptures cubistes qui effectivement remplace le visage d'une des personnes opérées. Voilà, on a fait plein d'allusions comme ça à cette période qui était une période extrêmement foisonnante où la créativité partait dans tous les sens et aussi en chirurgie de réparatrice. Oui, effectivement, et en plus on croise, vous utilisez le mot foisonnant, Clément Voiry, on croise des personnages, on voit un petit Picasso là, qui est dans un coin pour repérer tout ça. Et puis justement dans ce jeu de regard, Lila Slimani, il y a un aspect qui a été très bien abordé dans l'ouvrage, c'est comment Suzanne, qui décide de faire des études de médecine, est acceptée. C'est-à-dire que dans un cliché que nous pourrions avoir, nous imaginons ce monde très viril, rejeter la femme, ça l'a été en partie, mais ça n'a pas été ça totalement. Oui, tout à fait. Moi, en me documentant, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas raconter cette histoire en dépeignant Suzanne simplement comme une victime du machisme, que ça n'était pas aussi manichéen que ça. Effectivement, le monde des études médicales a toujours été plutôt paillard, avec voilà des plaisanteries ou un mode de fonctionnement qui peut être parfois un peu voilà un peu vulgaire, etc. Mais les jeunes femmes, si elles n'étaient pas nombreuses, étaient néanmoins assez rapidement acceptées une fois qu'elles arrivaient à un certain niveau d'études. Toute la documentation que j'ai trouvée prouve que effectivement elles s'intégraient assez bien, et ça a été le cas pour Suzanne, qui s'est fait de très bons amis au cours de ses études, qui a rencontré donc son amant qui deviendra son deuxième mari, André Noël. Et puis surtout, elle était tellement brillante, elle travaillait tellement bien, elle a quand même eu l'internat en étant classée quatrième, donc elle est vraiment absolument, c'est assez spectaculaire. Donc elle est très bien reconnue par tous les professeurs et les médecins avec qui elle travaille, et qui voient surtout que c'est une future médecin de très très grande qualité. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une véritable reconnaissance intellectuelle à l'égard de Suzanne très tôt dans sa carrière. Voilà, c'est un aspect qui est pertinent, original, de montrer que il y avait la reconnaissance aussi du mérite féminin, loin de l'image qui est souvent un peu cliché, mais que nous aimons bien malgré tout quand elle est chantée par Berthe Silva, de cette femme froufrou froufrou, chanson de 1897. Suzanne avait alors 20 ans. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Quel bonheur d'entendre Berthe Silva qui chante Froufrou dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Valla, avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à Main Nue, cet ouvrage de Leïla Slimani, Clément Oubrery, à propos de Suzanne Noël, médecin, pionnière de la chirurgie esthétique, puis réparatrice, Leïla Slimani, avec Froufrou, Berthe Silva. Nous sommes dans cette légèreté, belle époque. Mais le personnage que vous étudiez, enfin cette femme hein, qui a vraiment travaillé, n'avait pas peur du sang. Et vous le montrez bien, hein, que quand elle passe dans la cuisine et que ses domestiques sont en train de préparer un lapin, elle y va, mais elle y va, c'est violent. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a souvent fait à la fois rire et réfléchir, vous savez, moi, je viens d'une famille de médecins, et très souvent, j'entendais les gens autour de moi me dire, et toi, est-ce que toi aussi, tu vas faire médecine? Et parfois, quand les gens vous posent cette question, ils vous disent, ah, mais est-ce que tu as peur du sang? Comme si c'était ça, un médecin. Si un médecin, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur du sang. Donc, je me suis un peu posé cette question à propos de Suzanne, qui était une femme dont tous les témoignages disent qu'elle avait une extraordinaire, d'abord, empathie pour les autres, pour leurs souffrances, mais surtout une sorte de froideur qui lui était donnée, je pense, par son désir à la fois d'innovation et son désir de prendre soin de l'autre. Donc ça n'est pas une froideur qui est une indifférence, mais c'est une froideur qui est nécessaire pour celui qui veut soigner. Moi, c'est quelque chose dont j'ai été témoin autour de moi, notamment avec ma mère, qui était à la fois une femme voilà pleine d'empathie, mais qui était capable aussi d'un sang-froid extraordinaire face à des situations où moi, j'aurais totalement paniqué, où je serais tombée dans les pommes. Donc je voulais rendre aussi hommage à ça chez les soignants, à cette capacité à mêler en eux une immense empathie et un sang-froid qui n'est pas du tout de l'indifférence, mais qui est nécessaire à ceux qui veulent prendre en main une situation très, très difficile et très émouvante. Empathie, sang-froid, j'ai envie d'ajouter humour également, mais l'humour qui permet d'avoir un peu de distance par rapport aux situations difficiles. Vous, Clément Aubry, dans ce choix de représenter le moment du sang, le moment sanguinolent, je pense à un cheval qui se fait renverser par une voiture, dans l'ouvrage, je disais, un lapin. Mais oui, parce que Suzanne s'exerce sur des lapins. Et puis même l'opération elle-même, il y a ce choix esthétique d'utiliser de l'aquarelle ou de l'encre très diluée. En tout cas, c'est esthétique, ça coule, ça reste d'une force saisissante. C'est la force du dessin de supporter l'abstraction, de proposer des univers très différents qui peuvent cohabiter. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de le mettre en œuvre et d'avoir ce regard subjectif donc de Suzanne. On a imaginé cette première scène où elle est enfant avec sa mère, elle se promène dans la rue. Et il y a un accident terrible qui se produit, une voiture qui renverse un cheval. Donc c'est une scène terrible, tout le monde pousse des hurlements de terreur. Et Suzanne enfant fend la foule et s'approche pour regarder le résultat de l'accident. Et donc ça ouvre sur cette double page qui est un cheval totalement ensanglanté. Et tout le monde est paniqué, horrifié. Et elle est restée très calme. Et voilà, cette scène, on l'a imaginée comme une espèce d'introduction qui raconte que elle, même si elle a le sens de la douleur des autres, elle a une capacité à faire abstraction de l'horreur et à regarder en fait la beauté intrinsèque aussi qu'il y a, par exemple, à un corps de cheval ensanglanté. C'est terrible et en même temps ça peut être très beau. Et c'est évidemment là une liberté qu'on a pris qui se rapproche effectivement de plus de la fiction que de l'histoire, mais c'est aussi ça qui est intéressant quand on s'empare de la vie de quelqu'un, c'est d'extrapoler et de donner une vision qui soit personnelle de ce personnage. Et voilà, donc c'était notre idée aussi de départ qui justifie aussi le fait que ce soit une bande dessinée, parce que sinon Leïla aurait aussi pu écrire un roman. Moi, il faut que je trouve un angle qui rende le dessin indispensable. Donc j'espère que c'est à travers cette démarche qu'on a pu faire voyager le lecteur à travers les yeux de Suzanne. Oui, ben je vous le confirme, hein, Clément Aubry, le dessin devient indispensable au sens où il fait vraiment passer, et de manière très forte, à la fois l'esthétique, cette esthétique très compliquée de la violence, du sang, et notamment l'esthétique de la guerre, car nous le sentons poindre, et nous le savons, Suzanne est confrontée à la guerre dans son parcours, où elle devient une pionnière de la chirurgie esthétique. D'un seul coup éclate la guerre. Nous nous rendons dans la chambre des officiers. C'est le film de François Duperron, d'après le roman de Marc Deguin, un film de 2001. La boue a bloqué l'hémorragie de l'artère linguale. Sans cela, il serait vidé de son sang. Il aurait mieux valu qu'il meure. C'est lui qui pue comme ça ? On va lui donner la Légion d'honneur pendant qu'il a encore temps. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous croyez qu'il entend ? Vous voulez dire quelque chose ? Vous m'entendez ? Je crois qu'il n'entend pas. Mais si, j'entends. Vous êtes vivant, mon vieux. Vous êtes vivant. Où est-ce que je suis ? Béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction du maxillaire supérieur côté droit et du palais. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge qui ne sont plus protégés. Pourquoi ce bruit ? C'est moi qui fais ce bruit ? Vous nettoyez les plaies et vous me les dégagez à l'arrière. Un extrait de La Chambre des officiers, le film de François Duperron. Leïla Slimani, Suzanne Noël est confrontée à la guerre, la Première Guerre mondiale, cette horreur, la période des gueules cassées. Nous retenons ces gueules cassées, ces personnages, ces silhouettes qui hante l'après-guerre. Elle est confrontée à ces personnages dès le début de la guerre. Il y a une nécessité d'avoir des gens qui soignent les soldats, bien sûr. Et Suzanne Noël, par son cheminement, propose quelque chose dont elle est la spécialiste. Elle peut réparer les visages. Oui, absolument. Donc elle va se retrouver auprès du docteur Morestin au Val-de-Grâce, dans ce service où vont affluer tous les blessés du visage. La Première Guerre mondiale, elle représente finalement une sorte de révolution en termes de blessures. C'est-à-dire que par rapport, par exemple, à la guerre de 1870-1871, où la plupart des blessés sont blessés soit par des coups de sabre, soit par des coups de fusil. Donc ce sont des blessures assez nettes. Là, on va commencer à avoir des blessés avec des peaux, enfin des visages en charpie, des corps décomposés avec des nécroses. Donc ce sont tout à fait de nouvelles blessures auxquelles les médecins ne sont pas du tout habitués. Donc dans ce service qu'on appelle le service des baveux, puisque ce sont des gens qui ont perdu une partie du visage et donc leur salive coule comme ça continuellement, il y règne une odeur, comme on l'entend dans l'extrait, une odeur absolument pestilentielle à cause des nécroses et des chairs qui pourrissent. Et Suzanne va faire preuve immédiatement, comme je le disais tout à l'heure, d'un très grand sang-froid, et surtout elle va comprendre que le visage est une machinerie extrêmement complexe, mais en même temps c'est le meilleur endroit finalement pour pouvoir faire des expérimentations et des greffes, puisque la présence de la salive fait que, contrairement aux membres inférieurs et supérieurs, il y a beaucoup moins de nécrose et les greffes prennent plus facilement. Donc tout de suite elle comprend que ça peut être un terrain d'innovation absolument extraordinaire, et elle déteste l'idée qu'on se contente pour ces gueules cassées de leur mettre ce qu'on faisait à l'époque, une sorte de vraiment de déguisement de pacotille, puisque parfois on leur mettait une sorte de faux nez sur lequel il y avait des lunettes, enfin des choses qui étaient à son avis en tout cas assez avilissantes. Donc elle a voulu réunir stomatologue, neurologue, dentiste, toute une équipe comme ça pour essayer de reconstituer toute la machinerie que représente le visage, et elle va connaître des succès assez extraordinaires. Et puis nous sommes à un moment où il n'y a pas toutes ces réflexions, en tout cas pas de manière aussi poussée que ce que nous connaissons aujourd'hui sur le traumatisme de guerre. Malgré tout, Suzanne Noël prend cela en compte. La nécessité de réparer un visage, pas uniquement pour réparer le visage, pour réparer l'esprit aussi. Absolument. Elle a toujours compris ça. Elle a toujours compris qu'il y avait un lien très fort d'abord entre l'esprit et le corps, mais aussi que la façon dont vous vous présentez, ce que vous donnez à voir au monde, va conditionner votre place dans la société. Et donc elle comprend que le rejet dont sont victimes les gueules cassées, même si on leur voue une certaine reconnaissance parce qu'ils se sont battus pour la nation, mais le fait de marcher dans la rue et de susciter constamment des sortes de sursauts, des visages des visages dégoûtés, fait que ces gens ne peuvent pas s'intégrer dans la société. Et c'est une réflexion qu'elle aura tout au long de sa vie. Elle va notamment plus tard, on le verra dans la deuxième partie, opérer des enfants, opérer des enfants dont elle dit ils sont victimes de moqueries, on les harcèle à l'école et dans la rue, et il faut que je les répare parce que sinon ils n'auront pas les mêmes chances que les autres dans la vie. Donc je crois qu'elle a vraiment compris quelque chose de très moderne, c'est-à-dire que ce que vous donnez à voir au monde, la façon dont vous vous sentez dans votre corps, va avoir une influence sur votre intégration dans le tissu social. Leïla Slimani, quand vous évoquez cette deuxième partie, c'est la deuxième partie de la BD à main nue, publiée aux Arènes, et elle donne envie parce que ce premier volume s'arrête au début des années 1920, juste après la guerre, mais Suzanne vit longtemps et sans rien dévoiler, c'est vous qui nous le dévoilerez dans ce deuxième volume, mais elle soigne des enfants et elle est toujours présente durant la Seconde Guerre mondiale où elle a une action de résistance. Et ce qui sera, parce que non, j'attends ce deuxième volume. Je voudrais que l'on écoute justement autour de cette question de réparer les visages au moment de la Première Guerre mondiale, ce que disait Jacques Tardy. Jacques Tardy, quand il était interviewé sur France Culture dans l'émission Mauvais Genre en novembre 2008 à propos de sa putain de guerre. Évidemment, les images sont faites en fonction de la narration. Mais quand ce sont des images comme ce soldat qui a la tête éclatée à un moment, je vous dis, j'ai ces hésitations. Faut-il le montrer? Est-ce que ça peut pas être pris pour une espèce de complaisance à l'égard du morbide comme ça? Je sais pas trop, parce que j'ai pas encore eu beaucoup de réactions à partir de ces images-là. Mais quand je dessine des scènes beaucoup plus calmes, par exemple des soldats dans la tranchée, au moment où vous dessinez, vous êtes obligé de passer par tout, les détails avec par le trait, etc. Les plis de vêtements, le matériel, le décor et tout. Et vous y êtes. Vous êtes dans ce truc-là, vous y êtes, vous avez même à la limite les odeurs dans les narines, vous êtes sur le terrain. Alors évidemment, par moment, on est bien obligé de prendre un certain recul pour ne serait-ce que corriger son dessin, voir où on en est. Mais il y a ces espèces de plongées comme ça, dans ces ambiances, et c'est par moment assez angoissant. Jacques Tardy qui parlait sur France Culture de putain de guerre. Clément Houbrery, cet extrait, je le voulais dans l'émission, juste pour avoir votre retour au sens où il vous parle directement, Jacques Tardy. Oui, mais c'est, en même temps, c'est très vrai ce qu'il dit, c'est que au moment du dessin, on incarne ce qu'on est en train de représenter. Donc, par exemple, quand je dessine Suzanne, je suis Suzanne, hein, très modestement. Et effectivement, on est complètement dans une sphère qui est hors du monde et qui est ce qu'on est en train de représenter. Mais il y a quand même une petite nuance, c'est qu'on n'est pas véritablement en danger. Donc, il reste le plaisir, parce que vraiment toute la guerre de tranchées, tout ça, ça fait partie des choses que j'avais vraiment envie d'aborder. Et par contre, évidemment, ça reste abstrait, hein, donc on n'est pas véritablement en danger, donc on n'est pas tout à fait dans la peau des personnages qu'on est en train de représenter. Et puis tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai que la violence, vous réussissez, Clément Houbrery, à la montrer, notamment ces gueules cassées par des procédés graphiques qui ne sont pas juste du réalisme, qui serait déplacé. Vous trouvez des voix qui sont passionnantes, mais les lecteurs les découvriront. Leïla Slimani, dans ce livre à main nue, vous faites œuvre d'historienne, au sens où vous avez été faire des recherches, vous avez travaillé pour construire une narration, et puis, malgré tout, vous faites des romans. Donc cette narration, vous savez la porter. Suzanne Noël était quelqu'un de connue, au sens où dans les journaux on parlait d'elle. Elle a été oubliée. Il y a aussi cette volonté de dire quelqu'un qui a été connu et qui méritait de l'être devrait l'être aujourd'hui. Eh bien, moi, c'est pas simplement la question de savoir est-ce qu'elle devrait être connue ou pas, parce que c'est vrai que, par exemple, Suzanne Noël, dans les années 30, c'est une véritable star, mais une star presque people. C'est une femme qui est poursuivie par l'équivalent de paparazzi, une femme qui va dans toutes les grandes soirées mondaines. Donc, elle avait à la fois une reconnaissance scientifique, puisqu'elle était invitée dans le monde entier pour donner des conférences, mais elle était aussi, voilà, un personnage de la vie parisienne. Moi, ce qui m'intéresse dans la reconnaissance que j'ai envie de lui apporter aujourd'hui, c'est surtout reconnaître aussi d'abord des qualités intellectuelles, des qualités techniques, dire que les femmes peuvent être aussi des grandes techniciennes, faire avancer, faire progresser les sciences. Donc c'est cette première reconnaissance-là. Et puis deuxièmement, c'est la reconnaissance aussi d'une grande bonté. C'est une femme qui était d'une très très profonde humanité. C'est quelqu'un qu'on va associer, parce qu'elle faisait de la chirurgie esthétique, à la frivolité, et c'est ça que je voudrais défendre. L'idée que non, Suzanne n'était pas une femme profondément frivole. C'est une femme qui avait un rapport à ceux qui étaient exclus, à ceux qui se sentaient mal dans leur corps, aux femmes qui voient un monde se transformer dans lequel parfois elles ne trouvent plus leur place. Eh bien, elle les prenait par la main, elle s'occupait d'elles, elle a développé un rapport aux patients qui est le rapport qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les écouter, prendre soin d'eux, faire attention à eux. Et donc c'est cette modernité dans le rapport à l'autre que j'ai envie de défendre, celle d'une femme qui a d'ailleurs toujours été plutôt du bon côté des choses, qui a défendu voilà les laissés pour compte, les juifs, les résistants, qui était vraiment une femme extraordinaire. Eh bien, vous le défendez très bien, Leïla Slimani. Merci beaucoup à vous et merci à Clément Houbrerie. Je rappelle, À main nue, c'est publié aux Arènes BD. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'histoire, vacciner n'est pas si facile. Avec l'annonce de la mise au point d'un vaccin anti-Covid par les laboratoires Pfizer, vient l'espoir d'en finir avec l'épidémie qui nous enferme, mais aussi le retour des réticences liées à la vaccination. Certains, comme Yannick Jadot, voudraient le rendre obligatoire. Je le rappelle, du respect des règles très strictes, le vaccin n'est pas là, faut pas relâcher les efforts, et puis quand le vaccin sera là, de se faire vacciner. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. Oui ? Oui. On vaccine obligatoirement les Français, même les 40 ou 50% de réticents aujourd'hui, on leur dit vous n'avez pas le choix. Non, c'est obligatoire. Cette contrainte légale a hérissé le poil de nombreux politiques, convaincus ou non de l'impossibilité d'imposer cette contrainte. Si la santé apparaît au premier plan des attributions de l'État en ce moment, les politiques de santé publique ont connu de nombreux déboires avant d'arriver à s'imposer sans obtenir de légitimité durable et absolue. La première loi de santé publique est promulguée en 1902 après 10 ans de débats parlementaires et près d'un siècle de controverses et de créativité médicale pour mettre au point un discours de persuasion efficace. La loi de 1902 rendait obligatoire la vaccination et le rappel contre la variole. Deux virus avaient eu raison de la résistance à l'entrée de l'État dans ce domaine éminemment privé et jusqu'ici réservé au bon sens du chef de famille. La variole encore, responsable d'autant de morts parmi les soldats français que les combats au cours de la guerre de 1870, mais aussi le choléra qui avait fait près de 15 000 morts en France dans les années 1880, moins que lors de sa dernière apparition en 1832, mais bien plus qu'en Angleterre, la concurrence des nations se retrouve dans les moindres détails. Si l'acceptation d'un vaccin constitue le test de légitimité par excellence accordé par une société à son gouvernement, le 19e siècle, avec ses successions de gouvernements, de régimes successifs et de révolutions, avait eu peu de chances d'instaurer une légitimité suffisante à l'établissement de l'autorité politique en matière de santé publique. Accepter une prescription, c'est avoir confiance. Lors de l'épidémie de choléra en 1832, les rumeurs avaient circulé avec succès sur une maladie qui cachait une volonté d'empoisonnement du peuple par les notables. Après la loi de 1902 et la stabilisation du régime républicain, le pli semblait pourtant avoir été pris. Les Français ont approuvé la vaccination obligatoire contre la diphtérie en 1938, contre le tétanos et la typhoïde en 1940, contre la tuberculose avec le BCG en 1950 et encore contre la polio en 1964. En 1796, lorsqu'Edward Jenner invente l'inoculation de la vaccine, qui permet de préserver de la variole, c'est l'enthousiasme qui semble dominer, mais pas pour très longtemps. Les résistances individuelles apparaissent jusqu'à de véritables révoltes face aux mesures contraignantes mises en place par les autorités. La confiance n'a jamais été une évidence face à la proposition de vacciner. Michel Foucault a consacré une partie de ses recherches à l'histoire de la vaccination en établissant sa théorie du biopouvoir, inimaginable sans l'instauration de la gouvernementabilité des corps. Une théorie prolongée par l'historien de l'environnement Fabien Fressoz, par la notion de désinhibition moderne et de son rôle dans l'élaboration du consentement face à la nouveauté technologique et notamment dans l'histoire de la vaccination. Pour faire accepter la vaccination, il a fallu travailler à évincer les arguments moraux, religieux, sociaux, à l'occasion de nombreux débats pour rendre désirable la promesse de la fin du risque, au prix d'une opacité entretenue sur les effets secondaires de la vaccination, avec un effet de boomerang aujourd'hui présent au premier plan, la méfiance face à la promesse d'un progrès lui-même sans risque. Les zones d'incertitude de la science des vaccins sont aujourd'hui largement discutées et ont profondément changé la perception des sociétés face à ces solutions efficaces, mais certainement pas indiscutables, et fournies par des entreprises privées soumises à une concurrence féroce. Merci Anaïs pour cette piqûre de rappel. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission aujourd'hui consacrée à Suzanne Noël. Destin exceptionnel de cette pionnière de la chirurgie esthétique. Très bel hommage de Leïla Slimani et Clément Oubrerie dans leur bande dessinée « À main nue » publiée aux Arènes. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Les émissions sont aussi à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.